à son voisin sans savoir d'où il vient. Sans la commun, parfois homosceptique, c'est du tas la panique. Accent balkanique, entendre problématique. Quelle culture, quel repère, crise identitaire, l'union, quelle affaire, échange communautaire, nostalgie des frontières à la propriétaire, recherche un marche arrière quand tout part de travers. Hors de France, ça vous dérange la crise d'ailleurs, quelle importance. Fin de l'euro qui rassure, un dollar plus très sûr, la dette explose et perdure, des villes à toute allure, une constitution, quelques subventions, pour qui l'addition, quelle est la question? Redessiner notre frontière les moins poussées, sans en avoir l'air. Au changement résiste, mais qui persiste, plutôt du hors-piste, tout en restant en liste. Sans contrainte plus pratique, les intérêts s'expliquent, mais si ça se complique, prêt à changer d'éthique.